out of time. Out of time. Spiritual Choice. Samedi de midi à 14h. So Galaxy. Thank you.

choice. I'm yours, you're mine. choice. We'll be right back.

Radio Galaxy.

Waterloo GRS, la gym gauloise et le Twirling Club Waterloosien vous présentent leur premier show artistique ce samedi 2 décembre 15h à la salle Roger Salengros de Waterloo. Au programme, démonstrations et exhibitions d'arts martiaux, karaté, aïkido ou encore taekwondo. Plus d'infos, 0320 82 95 33 ou au 0320 02 77 12.